l'histoire, les mains cœur, les pieds. À toi d'écrire l'histoire dans tes propres livres. Légal ou illégal, vendre des burgers ou de la weed. Bienvenue sur Valentine. Rouler en règle ou bien sans plaque. Bienvenue sur Valentine. Les EMS pour sauver les deux camps. Bienvenue sur Valentine. Les policiers pour stopper les méchants. Bienvenue sur Valentine. Vendre des voitures ou bien des armes. Bienvenue sur Valentine. Sur ton skate ou bien ton yacht. Bienvenue sur Valentine. Faire du digiscan ou bien planter des graines. Bienvenue sur Valentine. Pour un verre, pour te détendre. Bienvenue sur Valentine. En vélo, en supercar avec des grosses jambes. Bienvenue sur Valentine. Viser la tête ou bien les jambes. Bienvenue sur Valentine. Aller chasser pour te détendre. Bienvenue sur Valentine. PDG ou SDF. Bienvenue sur Valentine.